Chapitre 2. Sur la route de Volhynia à Mykles, la capitale du royaume d'Esténie, une jeune fille avançait d'un pas vif, malgré le soleil, dont les rayons déjà brûlants inondaient la voie superbe, une des mieux entretenues du royaume, en raison des voitures et automobiles de la cour et des riches habitants de Mykles qui la sillonnaient constamment. Aujourd'hui, cependant, elle était presque déserte. À peine, de temps à autre, la jeune fille avait-elle croisé une charrette de paysans ou un équipage élégant se dirigeant vers la ville. Tout en marchant, elle laissait errer son regard pensif vers les sous-bois doucement éclairés bordant la route. Et pour qui avait vu une fois les prunelles magnifiques de la petite Hélénie Hériclès, il n'y avait pas à se méprendre sur la personnalité de cette jeune fille, dont le délicat visage aux traits purs, au teint blanc légèrement rosé, s'abritait sous la mantille de voile noire des paysannes esténiennes. Depuis 3 mois, les Hériclès étaient revenus dans cette Esténie, si brusquement quittée 8 ans auparavant. Pendant ce laps de temps, ils avaient constamment habité la France. Hélénie avait été placée dans une pension, dirigée par une Russe, entièrement dévouée aux idées révolutionnaires qui semblaient chères à Stéphanos Hériclès et à son fils. La foi, les enseignements déposés par Lénio dans l'âme de sa nièce, semblaient donc devoir courir de grands risques. Mais Dieu veillait sur cette petite âme qui s'était donnée à lui, et il se produisit cette chose étrange. Fédora Nalichine, dont l'âme bonne et droite avait été exaltée par des théories idéalistes dont elle n'apercevait pas le danger, subit très vite le charme irrésistible de sa petite élève, et ce fut l'enfant qui amena vers la vérité cette femme de 30 ans, égarée par l'extrême sensibilité de son cœur. Une affection profonde s'était formée entre elles. Fédora traitait Hélénie comme une enfant très chère, et des larmes amères coulèrent le jour où la jeune fille dut quitter la pension Nalichine pour entrer chez ses parents. Hippias Hériclès était mort peu de temps auparavant, d'une façon mystérieuse, au cours d'un de ses voyages que lui ou son père accomplissaient fréquemment. Stéphanos était plus que jamais bizarre et sombre et demeurait des journées entières au dehors. La gêne était grande au logis, car Lénio avait 2 enfants à élever. La jeune femme, toujours souffrante, essayait d'augmenter les maigres ressources du ménage par des broderies grecques dans lesquelles elle excellait, et Hélénie avait dû aussitôt utiliser, en donnant des leçons, l'instruction très complète reçue à la pension Nalichine. Un jour, Stéphanos quitta Paris sans prévenir les 2 femmes. 8 jours plus tard, elle recevait un court billet leur enjoignant de venir le retrouver à Mykles. Habituées à ces singulières façons d'agir, elles avaient obéi, Lénio avec sa résignation habituelle, Hélénie, avec un secret contentement, de retourner dans cette Esténie, si précipitamment quittée après cette scène dont le souvenir lui était demeuré toujours vivant, aussi vivant que celui du jeune souverain qui lui avait dit « Priez pour moi, petite colombe ». De Mykles, Stéphanos les avait conduites immédiatement au logis retenu par lui. C'était une pauvre bicoque située dans la forêt de Volhynia, assez loin du village. Le vieillard s'était réservé une pièce où lui seul entrait et dont il retirait soigneusement la clé lorsqu'il s'éloignait. Il y passait des journées entières, occupé sans doute à des manipulations chimiques, ainsi qu'en témoignaient ses mains et ses vêtements. La vie était pénible pour les pauvres femmes. Lénio étant incapable d'aller faire les provisions au village, Hélénie devait remplir seule cette tâche. Les maigres ressources s'épuisaient et Stéphanos, toujours en proie à de sombres rêveries, répondait durement aux demandes des 2 femmes « Je n'ai plus d'argent, arrangez-vous comme vous pourrez ». Il fallait aviser à trouver de quoi vivre. Hélénie était allée un jour à Mykles en portant des échantillons des broderies de Lénio. Elle avait réussi à se procurer de l'ouvrage et maintenant les 2 femmes brodaient sans relâche. Aujourd'hui, Hélénie rapportait sa tâche. Par économie, elle s'en allait à pied au lieu de prendre le tramway électrique qui desservait la forêt et le village de Volhynia. Elle était bien un peu lasse, mais la perspective de toucher tout à l'heure quelque argent lui donnait du courage. D'ailleurs, la ville était atteinte. Par un boulevard bordé de belles demeures, Hélénie gagna le magasin qui lui avait remis les broderies à exécuter. Il y avait aujourd'hui dans la ville une grande animation. Des groupes de piétons, des voitures, des cavaliers circulaient, nombreux et pressés, se dirigeant tous dans la même direction, vers quelque fête sans doute. Dans sa solitude, Hélénie n'était au courant de rien. Les broderies ayant agréé à la patronne du magasin, on en confia d'autres à la jeune fille, et, satisfaite de ce résultat, elle se dirigea vers le centre de la ville pour une emplette indispensable, des souliers pour le petit Hélos qui marcherait bientôt nu-pied. Décidément, il y avait quelques cérémonies d'importance. Sur la place du palais, la foule formait la haie, maintenue par un cordon de troupes à pied. Devant la résidence royale, deux pelotons de cuirassiers et de dragons rouges étaient rangés, la lance baissée vers la terre. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda un bourgeois qui passait, un étranger, un Français, à en juger par son accent. « Le roi revient d'inaugurer le grand hospice pour les vieillards indigents, monsieur !» répondit l'Esthénien en saluant. Devant les yeux d'Hélénie passa soudain la vision du jeune souverain si charmant et si bon, pour lequel, chaque jour, elle n'avait jamais manqué de répéter sa naïve prière d'enfant. Il lui venait un irrésistible désir de le revoir. Et c'était chose facile de se mêler à cette foule qui attendait son roi pour l'acclamer et lui lancer des fleurs selon la gracieuse coutume essénienne. Elle se trouva placée près du Français et du bourgeois esthénien qui continuaient de parler fort amicalement. Le sujet du roi Boris demandait « Vous ne connaissez pas notre souverain, monsieur ?»« Pas autrement qu'en photographie. Cela m'a suffi pour désirer le voir réellement et je me félicite d'être si bien tombé en arrivant aujourd'hui à Miclès. Il est extrêmement aimé, n'est-ce pas ?»« Ses sujets en sont fous, monsieur. » Vous allez voir qu'il y a de quoi. Il ne nous cause qu'un chagrin, voyez-vous, c'est de ne pas se décider à choisir une reine. Il est encore fort jeune et il a le droit d'être difficile. Mais il faut songer à l'avenir de la monarchie, monsieur. Cependant, ses conseillers et ses ministres n'osent plus effleurer ce sujet depuis le jour où il leur a répondu, avec un certain air qui n'invitait pas à la réplique, paraît-il. « Ceci me regarde, messieurs. Lorsque j'aurai choisi, je vous en ferai part. »« Et il ne se laisse pas conduire, votre jeune roi. »« Non, il a beaucoup de volonté, unie à une très haute intelligence et à un jugement d'une rare sûreté. C'est un esprit très sérieux et un cœur très bon. Voilà pourquoi nous l'aimons tant et nous le respectons. » Oui, monsieur, nous le respectons profondément, car ce jeune roi, si beau, si admiré, est demeuré tel que nous pouvons, sans réserve, le donner en exemple à nos fils. Oui, nous sommes heureux d'avoir un tel souverain, et nous prions Dieu qu'il nous le conserve longtemps pour le bonheur de l'Esthénie. Au loin retentissaient les acclamations. L'Esthénien annonça « Voilà Sa Majesté qui sort de la rue royale. J'aperçois les lanciers de l'escorte. » Vous allez juger de l'enthousiasme des Esthéniens pour leur jeune roi. Sur un bref commandement, les dragons avaient redressé leurs lances, les cuirassiers mettaient leurs sabres au clair, qui étincelèrent sous le soleil inondant la place. Entre la haie, des soldats d'infanterie, prêts à porter les armes, passèrent les lanciers blancs de la garde, armes d'élite, qui s'étaient toujours distingués par sa bravoure sur les champs de bataille et jouissaient à ce titre de l'honneur d'escorter le souverain. Les vivats éclataient, les hommes agitaient leurs chapeaux, les femmes jetaient des fleurs. Hélénie, très émue, se pencha un peu. Le roi s'avançait à cheval, très svelte, très élégant, dans la coquette tenue des hussards de la reine, culotte blanche, dolman bleu pâle à col de soie blanche, colbac blanc orné d'une aigrette retenue par une agrafe de diamants. Les fleurs, lancées par des mains adroites, voltigeaient au-dessus de lui sans jamais le toucher, effleurant seulement parfois sa coiffure, à laquelle il portait souvent la main d'un geste charmant pour répondre aux acclamations. Ses grands yeux noirs brillaient, son beau visage un peu fier s'éclairait d'un sourire très doux devant l'allégresse de son peuple. Il allait passer. Hélénie, un peu poussée par ses voisins, tourna légèrement la tête. Son regard tomba sur un homme, debout près d'elle, grand gaillard barbu, vêtu, malgré la chaleur, d'une longue houppelante usée, dans la poche de laquelle il tenait sa main enfoncée. Hélénie vit soudain son bras remuer imperceptiblement. Elle eut, dans un éclair, l'intuition de ce qui se préparait. Sa main, d'un geste plus prompt que la pensée, saisit le bras de l'homme au moment où il s'élevait brusquement et s'étendait dans la direction du roi. Une violente détonation retentit. Mais, par suite du mouvement d'Hélénie, l'arme avait tiré en l'air, personne n'était atteint. La foule, avec des cris de fureur, se jeta sur le misérable. Hélénie en profita pour s'éloigner, sans avoir été remarquée. Le cœur bondissant d'émotion, elle s'en alla d'un pas hâti vers Volaïna, oubliant les souliers du petit Hélos. Son âme, en un hymne de reconnaissance, s'élevait vers Dieu, le remerciant de lui avoir permis de sauver le roi. Elle eut un long frisson d'horreur en pensant au crime qui avait été près de se perpétrer. Il s'en était fallu de si peu qu'elle vit tomber, traîtreusement atteint, le jeune souverain qui passait, si charmant, si heureux, si plein de confiance, au milieu de son peuple. Tout aux pensées qui remplissaient son esprit, elle fit, sans songer à la fatigue, le trajet de Myclès à leur pauvre demeure. Elle ne parla pas à sa tante de ce qui venait de se passer. Lénio, de plus en plus souffrante, éprouvait de pénibles émotions pour les plus insignifiants détails. D'ailleurs, Hélénie, par un sentiment naturel à son âme modeste, voulait que son intervention demeurât à jamais inconnue. Elle se mit à vaquer à quelques soins du ménage, tandis que Lénio, assise devant la porte, faisait réciter une leçon à Johannis, son fils aîné, frêle garçonné au regard pensif. Stéphanos était parti depuis plusieurs heures, il ne rentrerait sans doute que pour le dîner. Mais non, voici que son pas retentissait au dehors. Il entra brusquement, les traits crispés, les yeux luisants de fureur. Tout droit, sans paraître voir Hélénie, il se dirigea vers sa chambre. Il fallait qu'il fût en proie à quelque terrible émotion, car il en oubliait de pousser complètement la porte. Et sa voix, tremblante de fureur, s'éleva soudain. « Manqué ! Misérable maladroit ! Une arme merveilleuse ! Il faudra donc que ce soit moi qui ai raison de ce Boris maudit !» Hélénie chancela, livide, ses mains tremblantes saisirent au hasard l'appui d'un meuble. Non, c'était trop horrible, cela. En se soutenant à peine, elle gagna l'humble réduit qui lui servait de chambre, elle se laissa tomber à genoux et, prosternée sur le sol, elle laissa échapper de son cœur déchiré ce cri « Mon Dieu, pardonnez-lui et sauvez le roi !»